dans votre terre, l'effroyable. Lorsque ton autre exit fait tel comme escroyant, t'as pas l'aider, tel comme escroyant, t'as pas l'aider. Tel comme escroyant, t'as pas l'aider, tel comme escroyant, t'as pas l'aider. Notre folie d'une dégodette. Sur le couloir, mes yeux Yeah.